MS Click, Trent et Nino. Mon basque c'est le stock, les récits sont holoqués. La route de France, haute tension. Haute tension. Daoud et Vapo, SMS Click, Trent et Nino. Ok, mon basque c'est le stock, la route de France. Je manie les rimes, recherche l'harmonie. Mon âme et mon armurerie. Y'a de la place dans mon cerveau comme dans mon armurerie. Je fais péter baromètre, lyriciste homologué. T'as barre au mec comme si t'aimais les gays. Je m'en rends son, des sous aux tensions. Rien à foutre savoir où les autres en sont. Je veux les distancer, c'est pourquoi j'écris autant de sons. Avec arrogance certains diront, mais juste pour faire des trucs que d'autres interdiront. Sortez les ronds, on sera pas tolérant. C'est SMS Click, la formation dont j'ai rejoint très tolérant. On me dit c'est plus les mêmes à tes côtés. Toujours en plan, cherchant des plans à tes côtés. Pas de quoi être dégoûté, je pose à la rage sur le fil du rasoir. Tu veux clash, c'est notre tour, donc file te rasoir. Si t'as pas le moral, c'est Khan et le caporal. Hein, SMS Click. C'est la rue qui te parle, respecte ses lois. On s'installe, on vient faire plomb aux étoiles. C'est la rue qui te parle, respecte ses lois. Saint Spino, venu pour sa balle. C'est la rue qui te parle, respecte ses lois. On s'installe, on vient faire plomb aux étoiles. C'est la rue qui te parle, respecte ses lois. SMS Click, venu pour faire mal. Quelque chose m'embarrasse, le strass m'embrasse. Le pancréas du rap sans crasse, alors je bute sans laisser de traces. Comme la CIA, ou le Carid GTA, sur l'entrée à la tienne. Soit les antennes, nous on marche en TN. Médaillé d'or au JO d'Athènes, champion de la haine. SMS on Click, y'a peur, on fera pas de faveur. Pourquoi t'as chaud, y'a ta vapeur. Rien à vendre, mais la rue achète ma ferveur. Tapez, je la prends au hip, elle veut au raïf. Lyrics qui te creep, dans le rap y'a pas de caïf. Sinon ça torturait comme moi j't'ai un graïf. Attention parce qu'il y a de la sélection. Une street sanction et très vite ton équipe s'effrite. Boulos qui repart en caleçon. Fonce. SMS de fonce tous les sons. C'est la rue qui te parle, respecte ses lois. On s'installe, on vient faire plomb aux étoiles. C'est la rue qui te parle, respecte ses lois. Saint Lino, venu pour sa balle. C'est la rue qui te parle, respecte ses lois. On s'installe, on vient faire plomb aux étoiles. C'est la rue qui te parle, respecte ses lois. SMS Click, venu pour faire mal. Yo, comme d'habitude, je débarque, je vois la merde, j'ai rien à perdre, mec. Donc je rappe, je peux me le permettre. Je pense pour les héros, mais expose des euros. Tourne en rond, tu sais, j'en ai assez, dossier classé, on veut tous être heureux. Je fais de l'argent sale, et je suis pas le seul. J'encule la justice comme une balance, cube trop sa gueule. Saint Lino, je suis pas un mafieux, juste un bon lezard de l'ouest. Tu retournes pas sa baisse, pour le reste, on verra. En tout cas, respecte la rue, elle te respectera, demandera. Sinon, à part ça, je fais de la musique, on veut des bifs, des thunes, rien à foutre. Si mon son t'importune, je lave des rimes. Pour ceux qui triment, on t'éjecte si tu frimes. Victime. Saint Nino, SMS Click, le rock tension. C'est la rue qui te parle, respecte ses lois. On s'installe, on vient faire plomb aux étoiles. C'est la rue qui te parle, respecte ses lois. Saint Nino, venu pour sa balle. C'est la rue qui te parle, respecte ses lois. On s'installe, on vient faire plomb aux étoiles. C'est la rue qui te parle, respecte ses lois. SMS Click.